On va commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, tu nous as laissé ta parole afin qu'on puisse ne pas se faire d'idole dans notre tête, ne pas imaginer qui tu étais, mais qu'on puisse savoir de toi-même qui tu es. C'est toi qui t'es manifesté, tu t'es révélé, tu t'es montré à l'être humain et tu nous as bien défendu de se faire une image de toi. Et on aimerait, Seigneur, que tu puisses nous montrer encore plus clairement qui tu es et afin qu'on puisse aligner notre vie avec toi, aligner nos pensées avec toi et qu'on puisse être un sujet de gloire et de joie pour toi. Donc, dirige-nous que ton esprit agisse dans le cœur de chacun de nous. Amen. Amen. L'Épître aux Thessaloniciens, une église pas tellement vieille dans la foi. Et qui est venue, qui a vu la vie, le commencement de l'Église, dans un temps de forte tribulation. Donc, cette jeune Église avait un prix à payer pour se convertir. Un prix à payer dans le sens qu'elle savait que leur vie ne seraient plus les mêmes après cela. C'était quelque chose qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vu arriver Paul de Philippe. Lui-même va dire dans le chapitre 2, « Vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé, comment j'étais arrivé à Philippe, comment ça s'est passé. » Donc, ils savaient, connaissaient Paul, avaient entendu parler de lui, puis ils l'ont connu personnellement. Et quand Paul a présenté l'Évangile dans la synagogue, ils ont vu la réaction. L'Église, parce qu'une partie de l'Église est née là, dans la synagogue, ont entendu l'Évangile, ils ont vu les réactions. Ils ont vu la réaction des Juifs, ils ont vu la réaction de leurs contemporains, et ils ont vu que ce ne serait pas évident s'ils se convertissaient. Donc, ils ont embarqué quand même. L'apôtre Paul va les mettre comme modèle jusqu'à certains points, on en parlait aujourd'hui, qu'ils ont accepté l'Évangile au milieu de beaucoup de tribulations et ils sont devenus des modèles pour toute la Caïe. Pas des modèles d'une vie exemplaire, des modèles de gens qui ont accepté l'Évangile à travers les tribulations. C'est ça leur modèle qu'ils ont amené dans les églises. Donc, on va voir cela ensemble et on voit que dans cette église-là, il y a un problème, un problème face au retour du Seigneur. Le retour du Seigneur était mal compris, ou le retour du Seigneur, c'était pas clair dans leur tête, c'était quoi le retour du Seigneur. Et ça semble, ce qu'on va voir ensemble, ça semble que l'apôtre Paul a parlé dès les premières fois qu'ils se sont rencontrés, dans les deux mois qu'on pense qu'ils étaient là, il les a enseignés sur le retour du Seigneur. Mais est-ce que c'était incomplet? Est-ce que Paul a dit ce qu'il savait et ne savait pas plus? Est-ce que Paul n'avait pas lu l'Apocalypse? Il était conscient de ça. Donc, il ne savait pas ce que l'Apocalypse dirait 40 ans plus tard. Donc, lui, il sait ce qu'il sait par rapport à qu'est-ce que Seigneur Jésus lui avait dit du retour du Seigneur? Est-ce que Jésus lui avait dit la même chose qu'il avait dit aux 12 pendant qu'il était avec eux, pendant les 3 ans? Donc, c'était assez limité, c'était assez restreint, ce que Jésus a dit. C'était plus global. Jean va donner plus de détails, mais Jésus dit, je vais revenir. Il donne des grandes lignes de son retour, mais il ne donne pas les détails de son retour. Donc, est-ce que Paul a juste donné les détails qu'il savait? Probablement, non. On n'a aucune... Il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui nous dit qu'il y aurait eu d'autres instructions de la part de Jésus par rapport au retour du Seigneur. Donc, si vous voulez savoir ce que Paul savait, vous allez lire les trois évangiles ou les quatre évangiles et vous regardez ce que Jésus a dit aux douze. En ce qui concerne le retour du Seigneur, vous allez probablement penser ce que Paul savait du retour du Seigneur. Et là, si vous lisez les évangiles, l'Église qui commence après la Pentecôte, c'est l'Église qui croit que Jésus va revenir dans la génération qui est là. Ça en vient. La mise en question va venir dans les années 60, 70. L'Église va commencer à se poser des questions, comment ça que Jésus ne revient pas. Donc, cette première génération-là va vivre la vie chrétienne en fonction qu'il croit que Jésus va revenir pendant qu'ils sont vivants. Juste des apôtres? Les apôtres au début, après ça, les chrétiens, ça a commencé là, les apôtres ont raconté, ont dit à l'Église qui commençait, ce qu'ils savaient eux aussi. Mais je ne crois pas que les Thessaloniciens sont les seuls à s'être posé la question, on commence à mourir, mais Jésus n'est pas revenu. On commence à mourir, mais Jésus n'est pas revenu, qu'est-ce qui se passe? Ce n'étaient pas les seuls qui pensaient comme ça, je crois. Je crois que l'Église, en général, dans le Nouveau Testament, dans les premiers 30-40 ans, se posait des grosses questions. Et les Romains vont venir détruire la ville de Jérusalem, les questionnements vont devenir encore plus difficiles pour eux autres. Parce que là, tout d'un coup, là, qu'est-ce qui va se passer? Le Messie n'est pas revenu, les Romains ont détruit la ville, on n'a même plus chez nous, on est obligé de fuir, s'en aller ailleurs. Donc, le questionnement par rapport au retour du Seigneur a été très fort et c'était quelque chose qui a marqué l'Église. Aussi, en soi, quand les Romains sont venus, ils ont-tu détruit le temple aussi? Oui, tout était détruit. Tout. Ah, c'est ça quand Jésus dit. Okay. Jésus leur a dit, il dit, restera plus ici, pierre sur pierre. Oui. Donc, pour eux autres, la destruction du temple, c'est comme, waouh, Jésus l'avait annoncé qu'il était détruit, mais ils ne voient pas comment l'Église ou le royaume de Dieu va prendre place. Donc, ça va se clarifier avec le temps, et ça va se clarifier aussi avec l'ajout de tout l'ensemble du Nouveau Testament. Ça va se clarifier avec l'Apocalypse qui va venir. Donc, et Paul va donner quelques petits indices ici, dans la deuxième épître de Thessaloniciens. Les indices en ce qui concerne le retour du Seigneur. Il va dire, vous n'avez pas bien compris ou je n'ai pas bien communiqué avec vous, mais avant que Jésus vienne nous chercher, il faut qu'il se passe certaines choses. Là, il va parler de l'apostasie, de l'antéchrist, il va se poser des choses, des questions comme ça. Donc, il va clarifier que tant que vous n'avez pas vu ces choses-là arriver, Jésus ne viendra pas nous chercher. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut bien comprendre. Donc, on a une jeune église et quand Paul va quitter l'Église, l'Église est en difficulté à travers les tribulations. Lui est obligé de quitter pour sauver sa propre vie. Donc, il sauve, il s'en va à Béré. Puis, quand vous lisez Béré, là, les Juifs sont plus réceptifs, sont plus ouverts à entendre. Mais les Thessaloniciens viennent jusqu'à Béré persécuter Paul là. Vous pouvez imaginer à quel point ils sont enragés, à quel point ils sont anti-chrétiens. Tu quittes ta ville pour aller dans une autre ville pour persécuter le gars. Donc, ça veut dire que les gens qui sont dans ta ville doivent en manger une méchante. Parce que si tu vas persécuter les chrétiens dans l'autre ville, c'est parce que dans ta ville à toi, ils doivent pas mal les avoir brassés, les Thessaloniciens. Donc, l'apôtre Paul quitte et il est inquiet. On va voir ça en s'en allant. Il est inquiet. Il a peur que l'Église ait abandonné la foi à cause des tribulations. Il dit, j'étais inquiet pensant que Satan s'est venu vous tenter et que j'allais travailler en vain. C'est là qu'il prend la décision d'envoyer Timothée. Et Timothée revient. 6 mois, 1 an, je ne sais pas combien de temps ça a pris à Basquiat, à pied, reviennent. Si vous avez du temps, Vous pouvez prendre des cartes géographiques et prendre des mesures de fois de kilomètres entre les villes qui doivent se déplacer. Des fois, c'est 1000 kilomètres. 1000 kilomètres à pied ou en bateau, ça prend quelques jours. Donc, si tout était bien, si toute la température était... si t'étais pas malade entre-temps, c'était énorme comme décision. Et là, quand Timothée revient avec les bonnes nouvelles, et Paul est encouragé par cela, et c'est là qu'il écrit l'Épître aux Thessaloniciens. Donc, tant qu'il n'a pas reçu les nouvelles de Timothée ou de l'Église par Timothée, il est inquiet. Quand ils reviennent, là, il est moins inquiet. Donc, il dit, là, il recommence à rendre grâce, puis il est encouragé et il veut aller les voir. Donc, il continue à vouloir aller les voir. Donc, ça, c'était l'arrière-plan. Et on a vu, quand on a commencé la semaine passée, qu'il commence en rendant grâce. Il rend grâce pour trois choses. Vous vous souvenez-vous? La fermeté. Mm-hmm. Non, c'est pas ça. Allez-y comme il faut, là. Dites-le comme c'est écrit. Le travail de leur amour. Pour la fermeté de leur espérance. Puis l'œuvre de la foi. Ah, il ne dit pas merci juste pour la foi, ni juste pour l'amour. C'est le travail de l'amour et c'est l'œuvre de la foi. Il va en parler plus loin de cette œuvre de la foi. Et il va en parler à quelques reprises, l'œuvre de la foi, et pour qu'on comprenne de quoi ce qu'il voulait dire. Donc, il rend grâce. Là, il est capable de rendre grâce parce qu'il sait qu'ils sont là et qu'ils fonctionnent. Avant, il y aurait eu de la misère, mais il ne sait pas qu'est-ce qui se passait. Donc, là, il va rendre grâce à l'Église, au Seigneur, de voir cette jeune Église-là qui persévère, qui est active. Il y en a dans certaines traductions, c'est marqué un amour actif ou une foi active, un amour qui travaille avec parce que le mot foi agissante. Hein? Moi, j'ai foi agissante. Foi agissante, amour actif, il y a toutes sortes de choses qui se disent, mais c'est jamais dans les deux lettres. Des fois, il va faire autre chose, mais cette fois-ci, il ne s'adresse pas à la théorie de la foi ou de l'Évangile, mais à la pratique de l'Évangile. C'est la même chose pour nous. Donc, c'est l'œuvre de la foi ou les œuvres ou la foi pour Paul, c'est la même chose. Donc, il peut parler des deux. Mais ici, il a employé un langage de vie chrétienne et non pas un langage seulement que de croyance de vie chrétienne. Parce qu'on a tendance à dissocier les deux. Mais Paul ne les dissocie pas jamais, ni Pierre dans ses épîtres non plus, ni Jacques non plus. Donc, nous, on a réagi. On a voulu enlever les œuvres. Mais la Bible ne parle pas comme ça souvent. Donc, oui, la Bible nous dit qu'on est sauvé par les œuvres. Elle nous dit qu'on est sauvé par la foi. Elle nous dit ça de différentes façons. Donc là, c'est marqué « Par tes paroles, tu seras sauvé. » Nous, on a mis l'emphase sur « C'est par la foi qu'on est sauvé. » Donc, c'est juste par « Je le sais, je le crois, je suis sauvé. » Mais la Bible, elle ne parle pas tout à fait de même. Elle parle de même, mais elle ne décrit pas le salut uniquement de cette façon-là. Donc, quand elle parle du salut, cette semaine, je parlais avec des frères, puis j'ai dit, il faudrait qu'on s'assoie, puis qu'on parle, c'est quoi le salut? Parce que j'ai dit, je pense qu'on se rejoint pas tout le temps. C'est quoi le salut? Pour nous autres, le salut, ça a été souvent, je crois, je suis pardonné, et je suis sauvé. Mais la Bible parle beaucoup plus que ça du salut. Le salut, c'est quelque chose qui... Il y en a qui écrivent des livres de 500 pages au salut, donc c'est... On peut développer ça un peu plus que « Je crois, Seigneur Jésus, sauvé. » Donc, c'est le salut est... Pour qu'on comprenne le salut, la Bible elle nous présente à différentes facettes. Puis plus on va comprendre pourquoi Dieu est intervenu dans le monde et sauvé un peuple, mieux on va comprendre ce qu'il doit faire dans l'être humain pour atteindre son but. C'est pareil comme si moi j'ai l'intention de construire une maison, bien je vais chercher des gens qui connaissent la construction. Tu ne seras pas surpris de voir que je vais chercher des plombiers, des charpentiers, des électriciens, parce que tu sais que je veux me bâtir une maison. Quand je vois ce que Dieu veut faire, l'intention de Dieu, je vais comprendre quelle sorte de personne il va sauver, qu'est-ce qu'il va faire avec eux autres pour qu'ils puissent atteindre son plan à lui, pour qu'ils puissent atteindre le but qu'il s'est donné lui en sauvant des gens. Nous, le but qu'on a, on a un peu simplifié ça, puis on a dit, bien, il est venu sauver pour qu'on aille au ciel, pour qu'on soit avec lui dans le ciel. On a simplifié ça comme ça. Donc, c'est. Mais la Bible, elle nous en parle avec un peu plus de détails que ça. C'est pour ça que des fois, elle va parler de justification, elle va parler de sanctification, elle va parler de bain de régénération, elle va parler de nouvelle naissance. Elle va employer différents termes pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qu'il voulait faire. Parce qu'il n'y a pas besoin de me faire naître de nouveau ici si son but, c'est juste que je sois correct dans le ciel. Pas besoin. Parce que, dans le fond, là, je t'ai pardonné, puis mais tu meurs, tu vas t'amener dans le ciel. Donc, il n'y a pas besoin de me faire naître de nouveau ici. Pourquoi il me fallait de nouveau ici? Donc, il y a une raison s'il me fallait de nouveau. S'il prend cette expression-là, il y a une raison. Donc, il y a une raison s'il me sanctifie ici. Il y a une raison s'il veut que. S'il voudrait juste que je sois au ciel, mais il ne parlera pas comme ça. Alors, plus je vais comprendre le plan de Dieu, puis pour nous autres, on est un petit peu handicapés, vu qu'on n'est pas né dans l'Ancienne Alliance. Si on aurait compris le but de l'Ancienne Alliance, on aurait compris pourquoi le Messie venait. Okay, le Messie venait parce que dans l'Ancienne Alliance, il avait fait des promesses. Donc Jésus vient accomplir les promesses que Dieu avait faites. Donc si je comprends bien, c'est pour ça que les Juifs ont mal compris, puis ils ont tué le Messie qui arrivait. Mais vous, comment c'est bizarre? Les autres, ils ont mal compris ce que le Messie venait faire. Quand il est venu, il s'est présenté à eux, accomplissant les promesses de Dieu, puis il tue. Parce qu'ils ont juste mal compris l'Ancien Testament. C'est pour ça que Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni de Dieu. Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas bien compris. Donc, automatiquement, le Messie a été tué par le peuple qui l'attendait. C'est assez intéressant. C'est intéressant de voir ça. Donc, nous, on reçoit ce Messie-là, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait accomplir en envoyant le Messie, et qu'est-ce qu'il avait pensé faire pendant toutes ces milliers d'années avec ce peuple-là qui sauve, en attendant finalement qu'ils viennent les chercher et qu'ils les amènent dans une nouvelle terre. Donc, il nous a sauvés et puis il nous a laissés ici-bas. Donc, il y avait une raison. Il y a une raison. Je me suis demandé quand j'étais en période de questionnement, « Seigneur, pourquoi tu nous as, quand tu nous sauves, pourquoi tu ne nous emmènes pas tout de suite au bord? Pourquoi tu me sauves là? Pourquoi tu ne m'emmènes pas là-bas tout de suite? Pourquoi tu nous laisses ici pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans? C'est quoi que tu veux que je fasse ici pendant 30 ans? » Mais si tu faisais ça avec tout le monde, les envoyer l'autre bord tout de suite, qui en parlera au prochain? C'est ça, mais... Pour pouvoir la ramener, tu sais. Fait que c'est pour ça, dans le fond, qu'ils nous gardent là, pour qu'on puisse justement partager. Et c'est une des raisons, je crois. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour que je puisse vivre ça? Donc, il me laisse ici, dans ce monde, puis il y a une raison. Et c'est pas juste... Oui, faire partie du fait qu'il va aller chercher des gens à travers nous. Nous sommes le moyen. Il a choisi dans sa souveraineté que l'Église serait le moyen pour aller chercher les autres. Donc, on est-tu occupé à faire ça si c'est la raison pourquoi il nous a laissés là? Si c'est ça qu'on pense que c'est la raison, est-ce que je suis occupé à faire ça? Donc, c'est une des raisons. Bon, on va voir ça maintenant. Donc, il remercie Dieu pour l'œuvre de leur foi et pour le travail dans la peine. C'est pour ça qu'on a rajouté le travail dans la peine, parce qu'ils sont dans la souffrance et la difficulté. Aimer les gens au milieu de la difficulté, c'est pas pareil comme d'aimer les gens quand on est en vacances au bord de la plage. Hein? C'est... Moi, je me souviens, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience, les gens partaient dans nos églises des années 80-90, puis s'en allaient dans les camps, hein, dans les camps Patmos, les camps des Poulots, ils passaient une semaine là, deux semaines, puis ils revenaient à l'église, puis ils disaient, l'église est froide, l'église ça marche plus. Là, ils sont tous pépés, ils sont tous, puis ils entendaient deux, trois prédications par jour, puis ils parlaient du Seigneur avec les frères, ça, puis ils priaient ensemble, ça chantait, ils revenaient, puis ils étaient tous craqués. Mais quand ils retombaient à la maison, à job, avec les enfants, avec le travail, ça prenait une couple de semaines, puis t'es revenu. On dégonflait. Il était dégonflé un petit peu. C'est parce que, à entendre l'Évangile ou entendre la parole de Dieu dans un contexte qui n'est pas la réalité de toutes mes journées, je dis pas que c'était mal de faire ça. Il faut juste comprendre que je suis en train de m'équiper pour retourner là. Okay? Donc, je ne vais pas toujours être là. Donc, c'est un peu pareil pour nous autres ici. Ensuite, on a commencé à voir que Paul est dit au verset 4. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Donc, ici, l'apôtre Paul fait une déclaration qui nous intrigue un petit peu. Nous intrigue un petit peu, parce que dans notre jargon baptiste, du moins, du jargon évangélique, il y a juste Dieu qui sait vraiment qui est sauvé. Mais Paul, ici, il parle comme si lui, il savait. Ça nous donne cette impression-là, du moins, quand il lit. Et je sais que vous êtes élus. Parce que quand nous, on dit qu'il y a juste Dieu qui peut savoir, c'est ce qu'on t'entend de vouloir dire, je ne peux pas voir dans ton cœur. C'est ça qu'on veut dire, je ne peux pas voir dans ton cœur. Mais ton cœur, lui, il va se manifester en œuvre, en action, en parole. Et là, c'est là que tu vas commencer à voir. Donc, Denise, elle a mis une plante dans un pot. Une de mes plantes que j'avais, qu'elle a coupé des petits bouts, elle a mis ça dans un pot. Puis ça fait un mois ou deux. Puis la semaine passée, je regarde dans le pot. Puis j'ai dit, tu as des étrangers dans le pot. Elle s'est mis à pousser des fleurs. À travers, je savais que ce n'était pas les fleurs de la plante qui étaient dedans. C'était des fleurs qui sortent de la terre qu'elle a achetée. Il y avait dans la terre qu'elle a achetée des graines qui restent, et là, ça sortit. J'avais tout les enlever. Donc, j'ai dit, les fleurs ne vont pas avec la plante. Les fleurs ne vont pas avec la plante. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Et des fois, notre vie ne manifeste pas la plante. On dit des choses, puis la vie ne manifeste pas les choses qu'on en dit. Et l'apôtre Paul, il dit, si c'est une telle plante, il devrait sortir telle fleur. Et donc, il y a quelque chose qui ne marche pas entre les deux. Là. Okay, non? Tu devais, François, réviser là, quelle sorte de plante que tu as mis dans ton pot. Donc, ben, moi, sachant ce que Denise avait fait, je savais quelle sorte de plante, je savais quelle sorte de fleur qu'elle produisait, puis j'ai déjà vu la plante mère, les fleurs qu'elle faisait. Donc, ça ne me gênait pas d'arracher les autres qui sortaient de... C'était des fleurs, je les ai arrachées pareil. Mm-hmm. Mais c'est dans ce sens-là. L'apôtre Paul, il dit, je sais que vous êtes des élus de Dieu parce que je vois en vous des choses. Je vois en vous des choses qui fait que je crois. Et personnellement, je crois que quand Paul voit ces choses-là disparaître, il ne dit plus « vous êtes des élus ». Son langage va changer. Si vous allez dans des épîtres, si vous lisez des épîtres où est-ce qu'ils sont en train d'abandonner, il ne dit pas « je sais que vous êtes des élus ». Donc, quand Paul voit la plante et la fleur, il dit « je sais que vous êtes des élus ». Quand il ne voit pas la plante, puis qu'il voit au bonheur, qu'il ne voit pas les fleurs, il se pose des questions. Il dit « si vous faites ça, vous êtes perdus ». Hein? Il dit « si vous faites ça, vous êtes perdus ». Donc, c'est un langage qu'il emploie des fois. La première chose qu'on a vu, qu'il a dit, on l'a vu ensemble, c'est à cause de l'Évangile qu'a prêché lui. Il dit, nous savons que vous êtes des élus, au verset 5, notre Évangile, dans la Bible en français, il n'y a pas de préposition là, mais dans la grecque, il y a une préposition, en effet, ou car, ou parce que, nous savons que vous êtes des élus parce que, donc il y a un texte là, qui pourrait être rajouté. Notre Évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement. Donc, ce n'est pas juste des paroles qu'on vous a dites, Mais on le fait avec puissance, avec le Saint-Esprit, avec une pleine persuasion. Et on, des fois, on oublie, on se posait la question, c'était quoi, c'était qui? Mais il dit, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés. Donc, le verset 5, à la déclaration qu'il fait, là, il rajoute le car, il dit, nous nous sommes montrés ainsi à cause de vous. Nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause. Donc, ce qu'il vient de dire, l'Évangile n'a pas été prêché en paroles, c'était pas des paroles seulement. Il y avait de la puissance, il y avait le Saint-Esprit, et il y avait une pleine persuasion. Nous, on s'est montrés de même parmi vous à cause de vous. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est lui, là. Il parle de lui quand il était là qui avait prêché l'Évangile. Donc, il le fait de même. On a parlé ensemble. Paul, il allait prêcher. Il savait ce qu'il déclarait. Ce n'était pas des paroles. Ce n'était pas des paroles seulement. Ce n'était pas une philosophie. Ce n'était pas des belles idées. Ce n'était pas une approche nouvelle. Parce que ça n'a pas de puissance. Des paroles d'hommes, ça n'a pas de puissance pour le royaume de Dieu. Ça a d'autres sortes de puissance, mais ça n'a pas de puissance pour le royaume de Dieu. Si tu veux participer à la mise en place du royaume de Dieu, tu dois parler avec puissance. C'est pas, là, je ne parle pas de personnalité. Je parle, c'est les paroles, c'est l'Évangile qui est puissante. C'est toujours l'Évangile qui cause le problème. Ce n'est pas le porteur de l'Évangile qui cause le problème. C'est les paroles qui sont dites qui causent des soucis, des problèmes parmi les gens. Parce que les paroles qu'on dit, on présente un Dieu qui était saint, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est en colère contre le monde, un Dieu qui va envoyer quelqu'un pour sauver ce monde-là de la colère à venir. Donc on présente, et les gens n'aiment pas ce genre-là. Imaginez-vous, vous êtes des Juifs, et vous êtes dans une synagogue, vous êtes les rabbins, mettons, qui ont enseigné la gang qui sont là, et il arrive un étranger qui remet en question votre enseignement. C'est vrai qu'il vient d'entrer quelqu'un ici aujourd'hui, il s'assit là, puis il dit, ce que François vous dit, c'est pas correct. Là. François interprète mal le Nouveau Testament. Vous verriez un petit gars, un petit gars qui s'est énervé, ça ne serait pas long. Vous direz, wow, qu'est-ce que tu viens de dire là, pourquoi? Ben, c'est ça que Paul a fait, là. Il s'est présenté dans la synagogue, il s'est levé, puis il dit, vous comprenez mal les Écritures. Les Écritures ne disent pas ça. Les Écritures disent que le Messie doit mourir. Il doit souffrir. Il doit mourir. Il doit ressusciter. Et c'est de ce Jésus-là que je vous parle, là. Imaginez-vous les Juifs qui sont là, ils se font dire devant tout leur monde qui interprète mal les Écritures. C'est ça que Jésus faisait avec les pharisiens. Vous interprétez mal les Écritures. Et là, ça l'a mis un peu un peu de poudre, un peu de gaz sur le feu. Il y a eu un débat pendant 3 semaines avant que finalement, ils étaient mieux de partir. Parce que ça ne marche pas. Donc, l'apôtre Paul, il va, et l'apôtre Paul arrive toujours avec... Je me souviens, la première fois, j'étais jeune chrétien, j'étais à Victoriaville, et Guy Lavoie était là, je ne sais pas pourquoi il était là cette semaine-là, et c'était une réunion de prière. Et je me souviens, j'ai encore mon image dans la tête, je suis dans les marches qui montent du sous-sol, pas la porte d'en avant pour sortir, là, et je suis arrêté dans les marches avec Guy Lavoie. Puis là, on a une discussion sur l'évangélisation. Puis il dit, François, si tu ne crois pas que le Saint-Esprit t'accompagne, vas-y pas. Si tu ne crois pas que le Saint-Esprit est avec toi, n'y va pas. Parce que tu perds ton temps. Tu n'as aucune puissance pour sauver les gens. Mais dis-toi, tu donnes les Écritures, mais tu sais que le Saint-Esprit est là. C'est seulement lui qui peut prendre les Écritures et travailler dans la vie des gens. Ça m'a toujours resté. 45 ans, je vous le raconte, ça m'avait marqué. Parce que tout d'un coup, ça m'avait amené à voir que l'évangélisation, ce n'était pas seulement de dire la vérité, de démontrer que c'était la vérité, mais ça prenait Dieu lui-même pour qu'il intervienne. Saint-Esprit et Dieu aussi, vous savez comment ça. Et donc, Paul dit, je vais avec le Saint-Esprit, puis j'y vais avec une pleine persuasion. pleine persuasion, dit, je suis convaincu à 100% que ce que je dis, c'est vrai. Ce que je dis, c'est vrai. Je vous donne la parole de Dieu et c'est vrai. Donc, c'est la même chose avec nous. On y va, on amène les Écritures, on amène le plus possible les Écritures, le plus possible les textes, on a une confiance, on le croit par la foi que cet esprit est là et qu'il va aller chercher les gens qui ont besoin d'aller chercher. Et là, on arrive au verset 6. C'est là qu'on est rendu. Ça, c'est la première chose pourquoi il dit qu'il croit qu'ils sont des élus, parce qu'il sait qu'ils ont entendu la vérité. Il sait qu'ils ont entendu la vérité. Cet avant-midi, j'étais seul, Denis était parti, et j'étais allé à l'église sur Facebook, mais ça, je me suis étendu dans mon fauteuil, puis j'ai mis un pasteur qui prêchait. J'étais allé à l'église, j'ai chanté avec eux autres, j'ai été allé à l'église avec eux autres. Puis j'écoutais le pasteur parler pour voir. Comment amener l'Évangile, de quelle façon amener l'Évangile. Puis, je ne suis pas comme un inconnu. C'est une église que j'ai commencé moi-même. Là, je travaillais avec eux autres. J'entendais les gens parler, puis je les reconnaissais par leur voix. Je savais de qui ils parlaient, qui parlait. Donc, est-ce que l'Évangile est proclamé? Si elle est proclamée, l'Esprit-Saint peut l'utiliser. Parce que l'Esprit-Saint utilise l'Évangile, pas le prédicateur. Utilise l'Évangile. Si l'Évangile n'est pas proclamé, le Saint-Esprit est deux mains liées, il ne peut pas rien faire. Il ne peut pas rien faire. Lui, il utilise la vérité pour travailler dans la vie des gens. La deuxième chose, on va relire ensemble le verset 6 jusqu'au verset 10. On va commencer avec Gaétan. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants, en Macédoine et en Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet à quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous arrache à la colère qui vient. Donc, la deuxième chose qui amène, il dit, vous êtes devenus mes imitateurs. Le mot dans le grec, là, c'est mimé. Là, on tire notre mot du mot mimé. OK? Donc, c'est pas. Là, je vous dis pas. C'est mimé, ros, mimé. C'est un mot grec, là, mais ça vient. Vous vous êtes mis à nous imiter. Vous êtes devenus mes imitateurs. Donc, mais il dit pas seulement de moi, mais vous êtes devenus aussi les imitateurs du Seigneur. Donc, il dit, je sais que vous êtes des élus parce que vous m'avez imité. Et vous avez imité le Seigneur. Donc, c'est pour ça que je vois que vous êtes des élus. Vous m'avez imité moi, et je pourrais y aller plus dire aussi nous, mais il dit moi, et le Seigneur. Donc, c'est qu'est-ce qu'il avait imité? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette forme d'imitation? Qu'est-ce qu'ils ont vu faire Paul? Ils ont vu agir Paul? Ils ont entendu Paul? Ils l'ont vu pendant 2 mois, là, œuvrer parmi eux. Ils sont devenus des imitateurs de Paul. S'ils ont été capables d'être des imitateurs de Paul, on peut-tu être capable, nous autres aussi? Donc, ils n'ont pas imité l'apôtre-là de Paul, parce que ça, ils ne pouvaient pas être. Ils ne sont pas devenus des apôtres. Mais si on a imité Paul, ça veut dire qu'on peut l'imiter aussi. Mais ils vont plus loin que ça. Ils ont imité le Seigneur Jésus. Bon, là, C'est une coche de plus que Paul, on pourrait dire, nous autres. Hein? Ouais. Mais Paul, il les met comme s'ils si ont imité les deux, le Seigneur Jésus et Paul. Ils ont imité, donc ils ont fait comme, ils ont agi comme, ils ont répété comme ce que Paul faisait, puis ce que Jésus a fait. Donc, c'est quand tu regardes quelqu'un qui imite le Seigneur Jésus, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas un élu. Jusqu'à certains points, jusqu'à ce point-là, tu dis, ben, si je dis qu'il n'est pas un élu, puis que je dis qu'il imite le Seigneur Jésus, ça fait affaire un peu bizarre de dire ça. Les deux s'opposent un peu. Tu dis, il n'est pas chrétien, mais il imite le Seigneur Jésus. Ah, ouais, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'ils ont imité de lui? Et qu'est-ce qu'ils ont imité du Seigneur Jésus? Il nous le dit dans le texte. En recevant, donc, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'ils ont imité, ce que Paul fait ressortir. Il aurait pu peut-être mentionner autre chose qu'ils ont imité. Mais ici, selon leur besoin, c'est que vous avez imité moi et le Seigneur Jésus en recevant la parole de Dieu au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Donc c'est ce que Paul, c'est ce qui l'amène à croire qu'ils sont des élus. À savoir, parce qu'il dit, je sais que vous êtes des élus. Donc, il ne dit pas je crois, il dit je sais que vous êtes des élus. Parce qu'il voit en eux, au milieu de toutes ces tribulations-là, parce qu'il emploie le mot beaucoup d'afflictions, beaucoup de tribulations, vous avez reçu la parole de Dieu, vous l'avez entendue. Le mot recevoir ici, ça va plus loin que entendre. Ils l'ont reçu, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris, ils l'ont cru, ils l'ont reçu. Il n'y a pas d'autre chose que je peux dire. Mais ce n'est pas qu'ils l'ont juste reçu. Ils l'ont reçu avec la joie du Saint-Esprit. Donc, comment vous imaginez ça dans votre tête? Comment vous imaginez ça dans votre tête? Un groupe de croyants, d'hommes et de femmes, que l'apôtre Paul arrive chez eux, il leur présente l'Évangile dans la synagogue pendant trois semaines, trois dimanches ou trois sabbats, et il voit les tribulations, ce que ça cause, mais il dit, vous l'avez reçu quand même, l'Évangile, vous l'avez adopté, vous l'avez cru, avec la joie du Saint-Esprit. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment vous pouvez savoir qu'est-ce que ça voulait dire pour Paul? Parce que ça semble le rassurer, ça semble l'amener à voir que ces gens-là étaient des croyants. Parce que les tribulations, tu pourrais les subir sans avoir la joie du Saint-Esprit. Mais quand vous voyez Paul, s'ils sont des imitateurs de Paul, ça veut dire que Paul l'a vécu. Hein? Paul a vécu cela. Lui-ci a reçu l'Évangile au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Donc, si je regarde la vie de Paul, ça peut me donner une idée qu'est-ce que ça veut dire un petit peu. Parce qu'un homme qui entend ça au milieu des tribulations, aussitôt qu'il se convertit, Paul, à Damas, avec Ananias qui impose les mains, qui se convertit, il baptise, Paul est obligé de tuer, obligé de commencer à fuir parce qu'il prêche l'Évangile puis il débat devant les synagogues. Tu es obligé de fuir, s'en aller. Sa vie chrétienne, pour Paul, c'est une période de 10 à 15 ans, n'a pas connu autre chose pour lui que la tribulation, la difficulté. Donc, il n'a pas connu autre chose. Pour lui, la vie chrétienne, c'est rien d'autre que ça. Ça ne se vit pas autrement. C'est ça que lui connaît. C'est comme ça qu'il vit. C'est ça qu'il voit autour de lui. Les petites jeunes églises qui partent vivent aussi dans les tribulations, les difficultés. Et il sait que c'est ça qui se passe, parce que c'est ça qu'il lui vit aussi. Donc, cette joie-là, ce n'est pas une joie, je dirais, une joie humaine ou contemporaine qui est causée par le beau temps, par l'argent, par les joies de je sais pas quoi, d'acheter des meubles, je sais pas. C'est pas ça dont on parle. J'ai ma première maison, ça me fait de la joie. Non, c'est pas cette joie-là dont on parle, vous savez ça. Cette joie du Saint-Esprit qui est en nous, c'est pas quelque chose que tu peux voir sur la face des gens. Tu peux être comme Paul, dans une prison, attaché, et avoir la joie du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le Saint-Esprit produit la joie? C'est la joie du Saint-Esprit, c'est pas la joie de Paul. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit, ou comment le Saint-Esprit, ou avec quoi le Saint-Esprit produit-il ça, comme ça? C'est-tu une espèce de miracle? C'est-tu une espèce de quelque chose qui est unique à Paul ou à Pierre, qu'on a des exemples d'eux autres dans le Nouveau Testament? Mais cette joie du Saint-Esprit-là, c'est-tu que tout d'un coup, on se sent bizarre, on est des picotements? Non, ça ne peut pas être ça, là. Donc, le Saint-Esprit se sert de quoi pour me causer de la joie? Il ne peut pas prendre d'autre chose que les vérités. Les vérités causent de la joie. Les vérités me causent de la joie. Okay. Le fait de savoir que je suis un enfant de Dieu, le fait de savoir que je fais partie du royaume de Dieu, le fait de savoir que je suis justifié par la foi en Jésus-Christ, ça amène une joie profonde. C'est lui qui amène cette joie-là à partir des vérités qu'on a entendues, puis qu'on a acceptées, qu'on a reçues, parce qu'il ne peut pas le faire si on ne l'a pas reçu. Là. Si je ne crois pas, il ne fait pas. Là. Donc, c'est pour ça qu'on va voir des gens qui, malgré les difficultés, reçoivent, puis partent, puis vont vouloir reproduire ça chez les autres. Ils vont vouloir aller les faire chez les autres. Puis ils arrivent avec de la joie. Ils sont contents d'être sauvés, ils sont contents de connaître la vérité, ils sont contents de savoir c'est quoi l'Évangile, c'est quoi que Jésus t'a donné ici. Et cette joie-là les propulse vers d'autres personnes. C'est ça qu'on va voir. Ils les propulse pour le partager à d'autres. C'est ce que moi j'appelle la joie du Saint-Esprit. On peut-tu faire un lien, François, avec le passage, je pense que c'est dans les Actes, qu'il y avait des croyants, je pense que c'était des croyants de Bélé, qui avaient été battus de dette. Puis qu'après ça, ils étaient contents parce qu'ils disaient non, c'est pas. Je sais, mais c'est pas les Bélés, c'est pas. Non, c'est. Ben, tu sais quel passage là? Oui, c'est Acte 4, donc tu sais, c'est les disciples qui ont été battus. Puis là, qu'ils reviennent chez eux, puis là, les disciples se rassemblent, sont heureux d'avoir subi des souffrances pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, oui, c'est cette forme de joie-là qui arrive là, qui se manifeste non pas à cause des circonstances extérieures, mais à cause des vérités intérieures que tu viens de croire, que tu viens de recevoir. Et cette joie-là que tu reçois, c'est ce que Paul va toujours parler. La vérité du sort avec la joie du Saint-Esprit, mais il reste pas là. Et vous l'avez partagé à d'autres. Vous savez, donc, c'est encore le fruit qu'il veut montrer. Cette joie-là que tu vis, tu ne la gardes pas pour toi. Tu la partages, cette joie-là. La vie chrétienne, quand c'est ou les vérités, ou la vie nouvelle, peu importe comment vous l'exprimez, qui vient dans l'être humain, va déborder, elle ne peut pas rester cachée. Elle ne peut pas rester dans l'intérieur et dire ben, personne ne va le savoir, je suis chrétien. Mm-hmm. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je crois qu'il y a une effervescence. Mais l'autre côté, là, je vais revenir à mon imitateur, mais comment on peut imiter le Seigneur? Parce qu'il dit, vous êtes devenus mes imitateurs, on comprend que Paul était persécuté quand il y a l'Évangile, mais les imitateurs du Seigneur Jésus, en recevant la parole de Dieu au milieu de beaucoup d'afflictions. Pourquoi il amène le Seigneur Jésus là-dedans aussi? Est-ce que le Seigneur Jésus... Le Seigneur Jésus le connaissait, le Père? Oui. Non, j'attendais que tu continues. Non, mais Jésus n'est pas... Il n'a pas reçu la bonne nouvelle, mais il a proclamé la bonne nouvelle. Ça a fait le même effet pour lui. Paul la reçoit, il l'annonce, il y a des tribulations et des persécutions, et il le reçoit avec le soin de Saint-Esprit. Jésus lui a annoncé la bonne nouvelle. Il a été persécuté et il a accepté avec la joie du Saint-Esprit aussi. Donc lui aussi avait la joie du Saint-Esprit. Je pourrais dire ça comme ça parce qu'il le met comme mes imitateurs et le Seigneur Jésus en recevant la bonne nouvelle avec la joie du Saint-Esprit. Donc Jésus, quand tu le vois, Seigneur Jésus, sa vie, quand tu lis sa vie dans les quatre évangiles, il a été persécuté. Hein? Vous savez comme moi, il a été persécuté tout au long. On a voulu le tuer à plusieurs reprises, on a voulu le lapider, on a crié pour ou contre lui. Et finalement, on l'a mis sur la croix. Mais voyez-vous Jésus malheureux? Voyez-vous un Jésus qui n'est pas bien dans sa peau? Je pourrais dire, ben oui, on le voit bien dans sa peau, qui est heureux, qui parle avec puissance, qui parle avec le Saint-Esprit, qui parle avec une pleine persuasion. Lui, s'il le fait, puis il se fait persécuter pour la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que lui a dit lui-même, si vous recevez la bonne nouvelle que je vous donne, vous pouvez l'annoncer, on va vous traiter comme on m'a traité. Donc ça va se répéter, là. Et ça se répète depuis 2000 ans. Donc il dit, vous êtes devenus mes imitateurs, et les imitateurs, pas de n'importe quoi, mais vous avez reçu la parole de Dieu avec au milieu. C'est pas juste, si on enlève les afflictions, on va avoir la misère à comprendre le restant de la parole. L'instant de la phrase. Mais au milieu de l'affliction, avec. Parce que habituellement, quand tu es persécuté ou qu'on te traite mal, finalement, la joie n'est pas là. Hein? Quand on vous confronte, qu'on vous énerve, qu'on dit du mal, humainement parlant, je parle. Vous n'avez pas d'entente à dire ah, j'ai tellement de joie à l'intérieur. Non. Vous avez deux poils dans vos poches. Vous avez bête à l'air, des deux. Mais la joie de tout ça ne pouvait pas provenir du fait justement qu'ils étaient restés attachés à Dieu. Ça démontrait encore une fois leur foi, leur attachement, d'avoir survécu à ces tribulations-là tout en restant attachés. C'est sûr que ça doit provoquer une foi là, de voir la vérité au travers de ça. Là, Ça va continuer. Mais ici, il parle en recevant la parole. Donc, il parle du premier pas, quand ils ont commencé. Donc, si les tribulations, ils ne les avaient pas acceptées, puis qu'ils voyaient ça, ils n'auraient pas commencé la marche à partir. Peut-être que c'est parce que je faisais un lien avec ton truc. Mais ça va continuer. Ils vont avoir cette joie-là chaque fois qu'ils vont prendre position, ils vont être persécutés, ils vont prendre... Cette joie-là, Paul l'a vécu en chantant dans la prison. Il va continuer à la vivre toute sa vie, là, cette joie-là. Mais c'est sûr que dedans les tribulations, des fois, ça peut être plus difficile parce que tu choisis, là, tu sais ça va t'en amener encore plus. C'est pour ça qu'il amène l'idée. Parce que habituellement, l'être humain, s'il n'y a pas cette vérité-là qui comprend que le Saint-Esprit utilise, il fuit les tribulations. Absolument, on fuit, on rejette, on veut éviter, humainement parlant. Mais le Saint-Esprit, nous convainquant par les Écritures, et nous se laissant convaincre par les Écritures, cette joie-là vient, puis on continue, on accepte, on y va. Donc, c'est un petit peu cette décision-là qu'il parle. Et je crois qu'il parle de même, tout simplement, parce que, comme il nous a dit dans le verset avant, à cause de la situation, je vous parle de même parce que c'est ça que vous avez vécu, que je l'ai vu, là. Je l'ai vu chez vous quand j'étais là. Donc, je vous ai vu faire, je vous ai vu agir. Je vous l'ai vu comment ça avait agi dans les quelques mois que j'étais avec vous autres. Donc, il sait qu'ils ont reçu la parole, puis finalement, ils vont quitter leur synagogue et poursuivre Paul. Donc, ils prennent une position, ils décident d'y aller. Et je ne crois pas qu'ils se sont réunis avec Paul les premières fois en pleurant et être découragés d'avoir. Non, il y avait une joie qui était là, qui venait de Dieu, qui avait trouvé la vérité, qui avait connu la vérité. Donc, c'est dans ce sens-là. Il dit, vous êtes devenus mes imitateurs, au verset 7, en sorte que vous êtes devenus des modèles, ou un modèle, pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Un modèle de quoi? De ce qu'ils avaient imité de Paul. Ils ont imité Paul en recevant la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Ils sont devenus un modèle pour toutes les autres dans la Macédoine. Le modèle que c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se vit. C'est ce que Paul a vécu, c'est ce que Jésus a vécu, ce que nous on vit. Et vous êtes devenus des gens qui vous regardent et qui vont commencer à vous imiter aussi. C'est intéressant quand tu deviens le modèle d'un autre. C'est intéressant. On est toujours des modèles. Hein? Vous savez, vous avez été des modèles pour vos enfants, vous avez été des modèles. On est toujours des modèles. Mais si on parle de modèle pour la foi, on est modèle pour la foi chrétienne. Donc, c'est que on est parce qu'à leur tour, ils vont annoncer l'Évangile. À leur tour, ils vont être persécutés. À leur tour, ils vont vivre ce que Paul avait vécu. Et les autres qui vont croire, c'est un cycle, c'est un cercle qui se fait, une boucle qui se fait. Et il dit, non seulement vous l'avez fait en Macédoine et en Achaïe, c'était leur petit patelin aux autres, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Il dit, ça c'est pas mal fait. Donc, il y en a qui se demandent, on se pose la question, est-ce que leur réputation les a précédés ou c'est eux autres? C'est ça? Si je dis que c'est eux autres, je dois donner du temps, là. Ouais, pour qu'il y ait le temps, parce que tu ne peux pas te répandre et aller dans plusieurs villes ou dans toute une région dans une semaine. Que, mais est-ce que leur conversion s'est fait connaître? Ça s'est répandu, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? C'était tellement spectaculaire, je peux dire ça comme ça, ce mouvement-là, que dans les autres synagogues, ça s'est parlé, dans les autres places, ça s'est parlé. Savez-vous ce qui s'est passé là-bas? La moitié de la synagogue sont partis avec Paul. C'est tout ça qui s'est passé. Mais Paul, il dit, on n'a pas besoin d'en parler, mais là, je suis obligé de penser que c'est plutôt l'Évangile qui n'a plus besoin de parler, dans ce sens-là, d'expliquer ce qui s'était passé. Donc, leur expérience de la foi s'est répandue autour des autres. Ils sont devenus un modèle de la foi chrétienne, que ça va être ça qu'ils vont vivre, eux autres aussi. Accepter l'Évangile au milieu de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Et là, ça, c'est la deuxième chose. Vous êtes devenus mes imitateurs et les imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez reçu l'Évangile au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit et vous l'avez communiqué à d'autres. C'est pas que j'avais déjà vu des vidéos de quelqu'un dans un autobus ou dans un subway, comment est-ce qu'on dit ça, un métro. Un métro, là, dans les wagons de métro. Là. Puis il y en a un là, qui est son téléphone, puis il se met à rire. Puis il rit comme un fou. Et à la fin de la vidéo, tout le monde dans la vidéo rit. Dans le wagon rit. C'est contagieux. Et je crois que c'est un peu ça comme ça que je parle ici. Il dit, vous avez imité le Seigneur Jésus et vous avez reproduit ce que vous avez vu faire. Il y a des gens qui ont commencé à faire la même chose avec vous autres. Donc c'est vraiment intéressant de voir cette vague-là. Donc l'Église, c'est pour ça que j'avais aimé le livre de Rav Chalice qui représentait l'Église comme une cellule du corps humain. Elle se reproduit. C'est naturel pour elle. Une cellule fait une autre cellule, puis une autre cellule fait une autre cellule, puis elle se reproduit. Il dit, l'Église, c'est comme ça, c'est une cellule qui se reproduit. C'est impossible qu'elle se reproduise pour elle se reproduire. C'est pas toujours la même vitesse, c'est pas toujours la même place, ça dépend des contextes, mais l'Église se reproduit. Donc, quand on dit que l'Église meurt, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si une église a commencé, puis tout d'un coup, elle meurt au bout de 50 ans, ou 75 ans, elle meurt, c'est qu'elle a arrêté de se reproduire. Quelque part, elle a arrêté de se reproduire. On est beau vouloir le justifier par toutes sortes de choses, mais le fait est, c'est qu'elle a arrêté de se reproduire. Et ça, c'est ils ont arrêté d'être des modèles. Nous, ce qu'on a fait, et je ne vous blâme pas, c'est ce qu'on a vécu. Nous, on a essayé de reproduire des bonnes personnes. On se convertissait, on devenait des meilleures personnes, puis on essayait de faire des autres des meilleures personnes. Mm-hmm. On a essayé avec nos enfants, on n'a pas tout bien réussi. Hein? On a fait notre possible des fois, mais nos enfants... Quand tu dis, là, moi, je me suis fait le dire dans ma famille, tes enfants ne suivent même pas. Les enfants ne croient même pas. Tu veux convaincre d'autres personnes? Ça fait quelque chose à l'intérieur du bonhomme. Puis là, je suis obligé d'expliquer pourquoi. Mais j'ai dit, je ne peux pas les forcer, comment tu peux dire toutes nos petites affaires. Mais Le but, ce n'est pas de devenir juste des meilleures personnes. C'est de se reproduire pour que l'Église continue. Parce que si on ne se reproduit pas, l'Église va mourir. C'est simplement comme ça. Donc, c'est important qu'on le comprenne. Puis là, il dit, qu'est-ce qu'on raconte à notre sujet? Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que les gens disent de ce qui s'est passé à Thessalonique? Ça, c'est le troisième point, je dirais, pour lequel Paul va dire, d'abord, un, vous avez entendu l'Évangile, la vraie Évangile. Deux, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur Jésus-Christ. Trois, il va dire, voici ce qu'on raconte à votre sujet. Voici ce qu'on dit de vous. Voici ce qu'on raconte à notre sujet, pas à votre sujet, mais à notre sujet, nous les Paul et Silas et Timothée. Quel accès nous avons eu auprès de vous? Donc, ce qu'on a fait chez vous, on a fait des choses, on a prêché, on a fait des choses chez vous, c'est ce qu'on raconte. Et comment vous avez réagi? Donc, on raconte que moi, Paul, avec Silas et Timothée, on s'est ramassé à Thessalonique dans une synagogue, on a prêché l'Évangile et que vous avez réagi à ça. Qu'est-ce qu'on dit que vous avez fait? Et vous vous êtes converti à Dieu. Oh, on va s'arrêter là. Quelques secondes. Vous êtes converti à Dieu. Quels sont les synonymes du Nouveau Testament pour le mot converti? Vous êtes converti à Dieu. D'autres synonymes dans le Nouveau Testament qui pourraient parler de cette décision-là. Tourner vers Dieu. Tourner vers Dieu. Choisir Dieu. On pourrait-tu rajouter abandon des idoles? Ça serait-tu un synonyme de conversion? Non, ça c'est le résultat de la conversion. Donc, toi, t'as dit quoi? Vous avez cru? Choisi? Non, elle a choisi. Tourner vers Dieu. Croire. Non, c'est. Converti, là, ça, l'idée, c'est. Vous avez détourné de quelque chose, vous avez choisi Dieu. Repentir. Voilà. Le mot repentir, ça veut dire la même chose. Vous vous êtes repenti et vous vous êtes tourné vers Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tu ne peux pas te convertir à Dieu si tu ne te repens pas. Et si tu te repens, ça veut dire que tu t'es converti. C'est ça sa troisième raison. Mais avec le restant de textes. Oui, c'est ça sa troisième raison. Vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles. Donc là, il y a une conséquence. Je me convertis à Dieu, donc ça veut dire qu'il faut que j'abandonne les autres. La polygamie spirituelle n'existe pas. Tu ne peux pas avoir plusieurs dieux. Donc, dans le monde juif, dans le monde des croyants, la polygamie spirituelle n'existe pas. C'est pour ça que Jésus dit, tu ne peux pas avoir deux maîtres. Il va falloir te choisir. Dieu ou maman. Décide-toi. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Si tu traînes les deux, ce n'est pas bon. Hein? C'est comme si tu dis à un gars ou une fille, mais là, tu avais un chum, là, tu veux changer de chambre, mais choisis, prends une décision. Là. Tu ne peux pas avoir les deux. Donc, cette conversion-là à Dieu nous. C'est le premier pas, je pourrais dire, de la foi. C'est le premier pas de la vie chrétienne. Je me convertis à Dieu. Je me tourne vers ce Dieu-là, ou je choisis ce Dieu-là. Je me repens d'avoir abandonné ce Dieu-là pour des idoles. Donc, je me décide de me convertir à Dieu, mais je suis obligé de laisser tomber mes idoles en arrière. C'est comme je vous l'ai déjà dit. Le salut ou la conversion, c'est quelque chose que tu ne peux pas payer. Tu fais un choix, mais en faisant le choix, il faut que tu vides tes poches de toutes les idoles que tu as, puis tu les laisses tomber à terre, là, quelque part. Parce que tu ne peux pas. Je vous ai déjà conté l'histoire de MacArthur qui avait prêché l'Évangile. Puis le gars était venu en avant et a dit, « Je me suis converti à Jésus. » Donc, il a dit, « Il va faire partie maintenant de ceux que je vais adorer. » De ceux que je vais adorer. MacArthur a dit, je n'ai pas bien prêché pour qu'il pense ça. J'ai manqué à quelque part, pour qu'il n'ait pas compris, pour qu'il abandonne les autres. Dans son témoignage, MacArthur disait, ça a changé son approche à l'évangélisation. Il faut que je les mette devant un choix. Il faut que je les mette devant un choix. Tu ne peux pas traîner tes idoles avec toi. Là. Il faut que tu abandonnes tes idoles et prennes juste Dieu. Donc, je me suis posé la question, puis je vous suggère ça, mais j'en fais pas un dogme. Je me suis posé, vu que ce que je sais de l'Épître de Thessalonique, est-ce que, qu'il est majoritairement, grande majorité, c'est des païens? Okay, donc, il y a quelques juifs qui semblent s'être convertis au début, quand on voit Acte 17. Et la majorité, c'était des gens grecs, des païens. Je me suis demandé si Paul faisait référence au choix qu'ils avaient fait quand ils ont quitté leur fausse religion pour aller se joindre aux juifs. Okay? Je me demande si ça fait partie de ce qu'il est en train de dire ici. Parce que quelqu'un qui est dans la synagogue, normalement, il aurait dû abandonner les idoles. Normalement. Ou voyons si Paul parle que depuis que Paul est passé, puis que leur foi s'est répandue partout, ce sera ceux-là dont il parle. Mais peu importe, à quelque part, il faut que tu fasses cette décision-là. S'ils l'avaient déjà fait quand ils ont entendu l'Évangile, parce qu'ils étaient devenus des prosélytes, donc des prosélytes, c'est des gens qui s'étaient convertis au Dieu d'Israël, qui avaient tourné leur regard vers le Dieu d'Israël. Bon, si c'est ça, c'est ça. Mais s'ils n'étaient pas ça, bien, ils l'ont fait plus tard. Mais il faut le faire. Le comment, le juste moment dans ta vie, est-ce que tu l'as fait, est moins important que est-ce que tu l'as fait, est-ce que je l'ai fait. Je me suis converti à Dieu. Puis j'ai fait ça. Là, elle se manifeste. Tu sais, il ne faut pas juste dire, je me suis converti à Dieu. Il met tout de suite un homme au côté en abandonnant les idoles. Donc, en voulant dire, si tu n'as pas abandonné les idoles, viens pas dire que tu t'es converti à Dieu. Tu as juste pris un autre Dieu, tu es devenu un polythéiste. Mais il dit, si tu dis que tu t'es converti à Dieu, tu devrais voir l'action qui suit que tu abandonnes tes idoles. Pas le choix. Et là, ensuite, ça, il va donner la raison pourquoi ils font ça. Vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il enlève pour être sauvé. Ça fait partie du salut, ça. Mais il ne dit pas comme ça pour qu'on comprenne. Ce n'est pas juste une parole que tu dis. Il y a une action qui suit ça. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Comparaison avec les idoles qui sont des dieux pas vivants et pas vrais. Okay, donc. Mais le mot servir, que là, c'est assez intéressant. N'as-tu qu'ils ont d'autres mots dans votre Bible? Vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. N'as-tu qu'ils ont d'autres choses que ça? Je veux pas d'autres. D'autres mots que. Servir? N'as-tu qu'ils ont d'autres choses? C'est tout ça que vous avez. Le mot dans l'original vient du mot esclave. Puis il y a une Bible, la nouvelle Bible seconde, traduit, vous vous êtes tourné vers Dieu pour le servir en tant qu'esclave. Parce que le mot dans le grec, c'est le mot douleo, ou le mot doulos, qui veut dire... Non, esclave. Doulos, c'est le mot esclave. Et la majorité du Nouveau Testament présente les croyants comme des esclaves. John MacArthur, dans les années 90, a écrit un livre de 300 pages sur le sujet, parce qu'il voyait aux États-Unis que ça ne marchait pas la patente. Les gens ne devenaient pas les esclaves de Dieu. Ils se convertissaient pour que Dieu devienne leur esclave, que Dieu les aide, eux, dans n'importe quoi. Il avait écrit tout ça, puis tous les mots serviteurs, servir, vous êtes devenus des serviteurs de Dieu, c'est toujours le mot esclave. Mais dans les nouvelles traductions, on a enlevé, ça paraît ça mal, surtout avec le temps, là, l'esclavage, les Noirs, ça paraît ça mal de dire que tu devenais un esclave de Dieu. Donc on a enlevé ça pour le mot serviteur. Mais dans notre langage, nous, un serviteur et un esclave, il y a une marche entre les deux. Il y a une grosse marche. Hein? C'est la nouvelle Bible seconde, c'est la seule. Oui, c'est la seule qui dit. Ouais. Je l'avais lu quand j'avais. Je savais que j'ai lu toutes les traductions à savoir. Il y en avait. J'ai dit, ah, c'est quand même le coffre qui dit ça. Je suis allé voir dans le grec, c'était bien le mot qui est là. Puis Puis l'auteur de la nouvelle veut qu'on comprenne que c'est pas un service, c'est un service comme esclave. Ça fait une différence. Parce qu'un serviteur, c'est bien plus un choix de servir qu'un esclave, oui. Parce que tu es obligé. Oui. Parce que le gars qui se vendait comme esclave dans ce temps-là, chez les Juifs aussi, mais il perdait tous ses droits. Donc il devenait l'esclave à qui il se vendait. Si j'allais travailler comme serviteur, ça va pareil. J'allais servir, j'avais encore certains droits, une rémunération, et ça va être accompli. Mais un esclave, tu ne peux pas te vendre. Bon, je vais me vendre comme esclave avec toi, mais tu me donneras 100 piastres par semaine. Ben, non. Un esclave, c'est tendance à marcher. Donc, c'est pour ça que le faire ressortir, le but de la conversion, on raconte de vous que vous êtes converti à Dieu pour le servir en tant qu'esclave. Ouais, ben, je trouve ça un beau langage du Nouveau Testament. Un beau langage du Nouveau Testament. Et je crois que c'est la vérité. C'est une vérité qui est là, que je dois regarder dans ma vie. C'est ça qui fait que Paul peut dire, je crois que vous êtes des élus, parce que je vois que vous êtes devenus des esclaves de Dieu. Ouf, c'est tout un langage pesant, c'est fort comme langage. C'est fort comme langage. C'est pas que vous avez Dieu ici et là, de temps en temps, dans votre vie. C'est que vous êtes devenus des esclaves et Dieu a le droit de vous utiliser selon ce qui lui semble bon pour se servir. Parce que vous vous êtes donné à Dieu. L'apôtre Paul va le dire ailleurs dans Romains, vous êtes passé de l'esclavage du péché à l'esclavage de Dieu. Donc on n'a pas changé de statut, on a juste changé de maître. On était esclave du péché, Jésus dit, vous êtes esclave du péché, maintenant vous êtes devenu esclave de Dieu. Ah ouais, c'est bon ça, c'est bon, c'est ça. Donc c'est une vérité, il faut méditer là-dessus, frère ça. Il faut réfléchir là-dessus, il faut y penser. Est-ce que c'est ça que je vis? Est-ce que c'est ça que j'ai comme intention? Est-ce que c'est ça que j'ai fait comme décision? Je me suis converti à Dieu pour le servir en tant qu'esclave. Lui, le seul vrai Dieu vivant. Et est-ce que ma vie reflète cela? Est-ce que ma vie reflète ça? Dans la société d'aujourd'hui, esclave, là, moi, dans mon image, là, je vois l'homme Afrique, les esclaves, là, c'est comme très clair. Mais l'esclave de Christ, là, ça m'embête, moi, comme dans le quotidien. Sais-tu, mettons, j'ai envie d'aller m'étendre, mais là, je n'ai pas fait ma lecture, là, je vais aller, tu sais, ou il faut que j'aille, tu sais, je ne sais pas comment tu mets ça, toi, le mot esclavage dans le quotidien. Ça m'embête, moi, ça. Là. C'est comme, il y en a que c'est comme, mettons, comme un pasteur à l'église, là, qui était toujours à l'église, puis les gens qui avaient de la peine y allaient, puis ils recevaient. C'est comme, oui, il se rend serviteur de tout le monde, mais nous, chacun dans nos maisons, là, à part faire mes travaux quotidiens, puis parler quand je rencontre des gens de Dieu, l'esclavage, je pense que je m'en ferai croire, penser que je suis une esclave. Là, ouais, c'est ça. Mais en même temps, je ne prends pas Dieu comme mon serviteur, dans le sens que je ne veux pas que Dieu soit là pour mon service. Mais tu sais, je ne sais pas comment là, que traduire ça, ce que tu dis là. Là, tu tombes dans la pratique, ça va être différent, je peux de nous. Mais on est tous des esclaves. Soit tu es un esclave, ou soit tu es le maître. Soit tu es le maître ou tu es l'esclave. Tu ne peux pas être entre les deux. Tu es en un ou l'autre. Mais est-ce que le gars ou la femme qui est à la maison, ou le gars qui est au travail, est encore un esclave? Ben oui, tu es encore un esclave. Il n'y a pas le choix. S'il est un esclave, il est toujours un esclave. Il n'est pas esclave le dimanche, ou le soir, ou le fin de semaine. Il est un esclave 24 heures par jour. Donc, c'est quoi l'intention de ta vie? C'est quoi que tu veux faire avec ta vie? Si je m'en vais au travail juste parce que je veux de l'argent pour me payer des vacances, pour avoir une retraite, je ne suis pas un esclave du Seigneur Jésus-Christ. Mais si je me lève et je vais aller travailler parce que je sais que je suis un esclave de Dieu et je vais utiliser ça, à travers ça, pour servir mon Dieu, ben là, ça donne, je suis encore un esclave. Mais nous, c'est pas ça qu'on a fait. On n'a pas vécu comme ça. On n'a pas pensé comme ça. l'esclave là, qui se lève le matin, c'est un esclave. Qu'est-ce que mon maître veut que je fasse aujourd'hui? Que je sois une femme de ménage, ou que je sois au travail, ou que je sois une maman, ou que je sois. Si je suis une maman, puis je dis, j'ai 5 enfants, qu'est-ce que j'ai? Bien, une partie de ma vie, c'est que je vais élever ces enfants-là pour la gloire de Dieu. Donc, je suis un esclave de Dieu, j'élève mes enfants, pas pour me sentir bien, pas pour que je sois une bonne mère, pas pour que j'ai l'impression que j'ai réussi dans la vie. Si je suis en train de servir Dieu et je proclame Dieu à mes enfants, je les élève pour qu'ils servent Dieu. Ça fait partie de mon service. Je suis une femme à la maison qui fait ça. On n'est pas conscient. On n'est pas tout le temps conscient durant la journée qu'on est. C'est parce qu'on n'est pas consciemment fait le choix d'être des esclaves. On ne s'est pas converti pour ça. Je vous l'ai déjà conté, j'étais avec mon frère Denis 2 ans après. Tu ne m'as pas tout dit, Denis? Tu m'as dit qu'on était sauvé, qu'on allait au ciel, mais tu ne m'as pas dit que je devais tout abandonner pour servir Dieu. Non, mais dans le sens que quand tu es en action, tu n'es pas tout le temps en train de penser à Dieu sur tout, tout, tout, là. Tu es en action, tu fais des affaires, mais. Non, je crois que ça devient une façon de vivre. Moi, un matin, je me lève, je sais ce que je vais faire à 9h, je m'en vais dans ma famille. Et je me lève en priant, je marche en priant, je m'en vais au restaurant. Je pense à Dieu. Je pense pas à d'autres choses. Je pense à Dieu. Je m'en vais avec des inconvertis. Je vais avoir le privilège peut-être de parler du Seigneur. Donc je prie à m'en aller. C'est un esclave. Je suis en train de servir Dieu à m'en aller au restaurant. C'est toujours de même la vie chrétienne. C'est toujours en train avec le Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ben, je perds mon temps. Là. Ben non, si je suis en train de servir le Seigneur, qu'est-ce que je fais ici dans un restaurant à 9h le dimanche matin? Juste avoir du bon temps, juste la vie est belle, c'est le fun. Voilà, je suis en train de servir le Seigneur. Mais ça commence quand tu te lèves, ça ne commence pas quand tu te couches. Quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, je suis ton esclave. J'ai décidé volontairement d'être ton esclave. Donc, je pense en fonction de ça. Je suis ton esclave quand je m'en vais au restaurant, je suis ton esclave quand je m'en vais à l'église, je suis ton esclave quand je m'en vais chez mes enfants, je suis ton esclave. Je suis un esclave. Et ça s'alimente. Mais il faut prendre la décision d'une façon volontaire. Je décide que je suis un esclave. Mais on ne l'a pas décidé souvent. On n'a pas pensé ça. On n'a pas compris que c'était ça la vie chrétienne. D'être l'esclave de quelqu'un d'autre. Quand j'ai parlé à mon petit frère, savez-vous comment ça m'a pris de temps à prendre la décision de devenir un esclave? 2 ans. J'ai pioché 2 ans de temps. Je ne voulais pas devenir un esclave. Je voulais aller au ciel, mais je ne voulais pas devenir un esclave. Ça m'a pris 2 ans avant que je dise au Seigneur, « OK, je suis ton esclave. Je suis ton esclave. » Mais c'est intentionnel, ça. Ça ne se fait pas tout seul. Puis la chair va revenir tout le temps en disant, « Oh non, non, non. » Elle va vous mettre des bâtons dans les roues, de toutes sortes, justifier ça de toutes sortes de façons. Mais il n'y a pas de justification. Tu es un esclave ou tu n'en es pas un. C'est tout. Donc pour moi, dans tous les petits domaines, j'écoutais, je ne sais pas qui cette semaine, qui parlait de la mère de Charles Wesley et de. Je ne me souviens pas son nom. John. John Wesley, merci, Charles. Elle avait un dicton avec ses enfants. Elle avait 18 enfants, si ma mémoire est bonne. En tout cas, on avait une gang. Mm-hmm. J'ai dit, quand vous rentrez dans la cuisine, là, j'ai la serviette sur la tête, là, rentrez pas, puis laissez silence. Elle dit, je suis en train de prier. Je suis en train de lire ma Bible. Elle n'avait pas d'autre place dans la maison. Vois-tu donc? Tu es un esclave. Tu n'es pas juste une mère de famille, tu es un esclave. Tu es un esclave qui fait une mère de famille. Mais c'est pas. C'est qu'on n'a pas appris ça. Donc, c'est. On n'a pas pris les décisions comme ça. Et je crois que l'apôtre Paul l'a fait ressortir ici. Je ne crois pas que c'est des gens parfaits. Je ne crois pas que c'est des gens qui n'avaient pas de problème dans leur vie. Mais si j'ai pris la décision personnelle ou intentionnelle de devenir l'esclave d'un Dieu, qu'on appelle le Dieu, le vrai Dieu, ça va être à tous les jours. ça va revenir, parce que la chair est en train de me battre, le monde dans lequel... Le monde, lui, qu'est-ce qu'il nous crie, le monde? T'es libre! T'as des droits! T'as des droits! T'as le droit d'être heureux! Ah oui, non! Puis, la vie, c'est faite pour en profiter! Puis là, on nous bombarde ça, dans la journée longue, partout, on nous bombarde. Puis finalement, on dit, c'est vrai, j'ai des droits pour tout. J'en ai pas de droits, je suis un esclave, par rapport à Dieu. Donc, si peu importe la décision, là, si vous avez des décisions à prendre dans n'importe quel domaine, si vous vous arrêtez et vous dites, je suis un esclave, pourquoi je suis en train de prendre cette décision-là? Comment je suis en train de servir mon maître à travers cette décision-là que je suis en train de prendre? Est-ce que je le sers vraiment, mon maître? Puis, c'est vrai que je peux avoir toutes sortes de contextes personnels en moi, une fille de famille, n'importe quoi, pas un contexte, mais que tu sois dans n'importe quel contexte que tu es, si tu es un croyant, tu es un esclave. Mais ça, c'était la partie pourquoi ils se sont convertis, pour devenir des esclaves. Puis moi, je te dirais, c'est presque à tous les jours qu'il faut revenir. Je suis un esclave de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour lui? Je suis un esclave de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire à mon quotidien? Mais la plupart du temps, dans notre humanité de pécheur, tout le monde est notre esclave. C'est ce qu'on appelle le moi. Tout le monde est notre esclave. Même les idoles sont là pour nous autres, sont là pour nous servir. Donc, c'est ce moi-là, il revient à la charge constamment, puis lui, il va prendre le dessus constamment. Il faut revenir. Je suis un esclave. Je suis un esclave de Dieu. Si vous n'aimez pas le mot esclave, si ça vous trouve, dites serviteur, ça va correct. Mais je suis un serviteur de Dieu. Donc, si Dieu, dans les circonstances, m'amène, où est-ce que tu voudras m'emmener, Seigneur? Je reste toujours ton esclave. Peu importe, que ce soit le restaurant, que ce soit l'église, que ce soit à la maison, que ce soit... Je suis un esclave de Dieu. Mais on a de la misère à penser de même. Une misère, c'est pas naturel pour nous. Mais c'est naturel pour l'enfant de Dieu. Et là, il dit au verset 10, « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Voyez-vous comment? C'est drôle, hein, comment est-ce qu'il dit ça? Vous êtes convertis à Dieu pour deux choses. Un, pour le servir. Deux, pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Moi, en tout cas, quand j'ai entendu l'Évangile, c'était pas ça. T'as pas de main, c'était pas présenté tout à fait. Mais je dis pas que c'est la seule façon, mais c'est une facette qu'il faut considérer et qu'il faut regarder. Donc, vous êtes convertis à Dieu. Et là, remarquez bien le verset 10. Essayons d'analyser ça. Vous êtes convertis pour attendre des cieux son Fils. Là, il décrit qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc, à quelque part, ils ont entendu dans leur évangile, dans l'évangile de Paul, ils ont entendu que le Seigneur Jésus était venu, qu'il était venu, le Messie, pour nous délivrer de la colère à venir. Ça, c'était la façon qu'il décrit le salut ici, c'est ça. Vous étiez sous la colère de Dieu parce que vous étiez avec des idoles. Vous vous êtes convertis à Dieu et Jésus est devenu le moyen pour vous de vous délivrer de la colère à venir. Ça, c'est la raison. Donc, si je dis ça, ça sous-entend que Dieu est en colère contre le monde dans lequel on est. Et que moi, j'étais sous sa colère avant de me convertir à lui. Et là, maintenant, j'attends celui qui va venir pour me délivrer. Et remarquez bien qu'il ne dit pas qu'il nous a délivrés. Il ne dit pas « il va me délivrer ». Il dit « il nous délivre ». Aujourd'hui, il nous délivre de la colère à venir. J'aime ça parce qu'il le met au présent. La délivrance, c'est aujourd'hui. Mais la colère est plus tard. Mais il nous dit déjà maintenant que... Non, c'est pas ça qu'il parle. Aujourd'hui, on en est délivré aujourd'hui de la colère qui est à venir. La colère est... Mais si je serais délivré aujourd'hui, pourquoi je ne serais pas demain? Ça sert une fois. Il nous a délivré. Oui, mais oui, t'es délivré. Une fois que t'es délivré, que la porte est ouverte, t'es ouverte. Mais lui, il le présente au présent. Oui. Il veut qu'on le voit que la délivrance se fait quotidiennement. Parce qu'il est en train de parler que si j'abandonne, je ne serai pas délivré. Donc, il me délivre de façon quotidienne parce que je reste attaché à lui Il est ma délivrance. Dans le texte actuellement, là, on n'en parle pas là, de rester attaché là, pour. Ben, parce que c'est le mot nous délivre. C'est présent quotidien, ben, continuel. C'est un présent continuel, c'est pas un présent, c'est pas quelque chose de passé, c'est pas une fois que tu fais, c'est pas ponctuel. Le verbe m'indique qu'il le fait quotidiennement, continuellement. Moi, j'ai le mot arrache. Il nous arrache, la même affaire. Encore un mot, parce que moi, c'est le temps du verbe que je fais ressortir ici. Là. Parce que si je nourris mes enfants jusqu'à la semaine prochaine, c'est que je vais le nourrir tous les jours. Je nourris mes enfants tous les jours. Donc, il aurait pu dire « Il nous a délivrés de la colère à venir », ça serait fini. Et nous, on a tendance à parler comme ça, dans notre jargon, nous autres. « Il nous a délivrés », ça c'est fini. « Sauver un jour, sauver deux jours », c'est fini. Okay. Mais lui, il ne dit pas ça dans le texte ici. Donc, il dit « Je suis obligé de rester attaché à lui, d'aller à lui à tous les jours, de façon quotidienne, de vivre ma vie avec lui tous les jours. » Et cette conviction-là qu'on va être délivré de la colère à venir vient du fait qu'on le sert tous les jours. C'est cette vie chrétienne-là qui me donne l'assurance qu'au dernier jour, ils vont me délivrer de la colère à venir. Nous, on a eu tendance à baser notre vie chrétienne sur la profession de foi qu'on a faite il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 25 ans. Je me suis converti là, toutes ces fêtes-là, je me laisse aller jusqu'à la fin. Mais la Bible ne parle pas tout à fait de même. C'est pour ça que quand que je dis que j'ai la conviction d'être un élu, c'est que je sais qu'il va me délivrer de la colère à venir. Pourquoi je le sais? Ben, la Bible dit. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, je vis pour lui. Aujourd'hui, je suis un esclave aujourd'hui à lui. Là. Et ça, pour moi, ça l'amène une... Si l'apôtre Paul peut dire, lui, nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous êtes des élus, je peux le dire de moi-même, si je vois les trois choses là, pour moi, si je les vois dans ma vie à moi, je peux dire que je suis un élu. Si Paul dit, je pense que vous êtes élu parce que je vois ce que vous vivez, mais moi, si je le vois dans ma vie, je peux dire que je suis un élu aussi. Mais si je ne les vois pas, est-ce que j'ai le droit de dire que je suis un élu? Parce que j'ai le droit, j'ai-tu le droit de me présenter disciple de Jésus-Christ si je ne suis pas Jésus-Christ? Est-ce que j'ai le droit de me présenter élu si je ne vis pas une vie d'élu? Puis Paul ne l'aurait pas dit s'il ne l'aurait pas vu. Mais le fait qu'il dit, j'aime ça pour parler, parce que ça pointe les affaires. Vas-y, parle quoi. C'est que le fait que Paul, quand il leur a parlé, ils sont en pleine persécution par rapport à la parole. Mm-hmm. Nous, là, la persécution, la part un petit peu de détourner, là. Oh, elle est rentrée dans le coin, là. À part ça, là, pas de persécution en vue, là. Mm-hmm. On n'est pas des Thessaloniciens. Oh non, on n'a pas besoin, mais on est des serviteurs. On a un prix à payer. On est des serviteurs de Dieu, mais qu'on soit victorieux. Oui, mais dans les trois choix que Paul dit, il y a déjà, là, vous avez reçu avec joie au milieu des persécutions. On n'a pas celle-là non plus. Mm-hmm. C'est pour ça que je crois que la question qu'on doit se poser, j'en parlais cette semaine avec des croyants, est-ce qu'on doit se poser la question pourquoi qu'on ne l'ait pas persécuté? Ou alors si on dit, j'en remercie Dieu qu'on ne soit pas. Je parlais de ça cette semaine avec. Quand on lit le Nouveau Testament, on a presque l'impression qu'on lit un roman, que nous autres, on n'en fait pas partie. On est comme en dehors de ça, on lit un livre qui est... on le lit, c'est bien, mais on est un peu comme en dehors du contexte dans lequel ça se vit. Comme on dit là, les persécutions, la prison, les choses qui se passent, les miracles, tout ça. Nous, on regarde, on est un peu à l'extérieur, on dit, ouais. Les autres, ils vivent ça, là, mais nous, on ne le vit pas, donc, c'est quoi la raison? Pourquoi est-ce que, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, puisque vous regardez les cycles qui s'installent, quand les Églises commencent à quelque part, il y a toujours persécution. Toujours. Puis d'un coup, il commence à en avoir moins, puis moins, puis moins, puis moins. évidemment. Elle recommence, les persécutions recommencent. Quand elle s'éloigne tranquillement, elle meurt. C'est parce que quoi? Parce qu'ils rayonnent moins autour. Fait que ils ont pas besoin, les gens n'ont pas besoin de les persécuter. Ils dérangent pas. Ils rayonnent pas, ils dérangent pas. Je crois que ça fait. Si on revient à notre position de tout à l'heure, c'est je crois personnellement, c'est que l'Église change l'Évangile. C'est l'Évangile qui cause les persécutions, c'est pas moi qui cause les persécutions. C'est l'Évangile. Et si on change l'Évangile, si l'Évangile est amoindri, diminué, dilué, elle ne provoque plus de persécutions. Dieu aime tout le monde, Dieu aime même les gays, Dieu aime tout le monde, Dieu aime tous ces gens-là, Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon. Ce matin, à l'église que j'écoutais, si j'avais été un inconverti assis là dans l'église, j'avais dit « Ouais, moi ça m'intéresse ce Dieu-là, il est tellement bon, il veut nous faire du bien. » C'est ce que j'avais dit. On ne va pas parler d'un Dieu que je voulais que je cherche, que je devais devenir son esclave, qui est en colère contre le monde dans lequel on vit. Non, on n'en parle pas de ça. C'est pour ça que les chrétiens, là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut enlever l'enfer même. Là. On ne veut pas se passer sur le tapis. Mais Dieu est bon, là, l'enfer. On change l'Évangile. On la change parce que c'est. On enlève les parties qui sont moins agréables pour les convertis. Ça, on ne rayonne pas la vérité pour finir. Voilà, merci. On ne rayonne plus de la vérité. C'est ça que quand on ne dérange pas. Puis, quand mon frère Denis est venu, on se moquait de lui, mais quand il est venu, j'ai écouté son message, il me présentait quelque chose qui était agréable. François, t'es perdu, t'as fait des péchés. Mais il y avait quand même une partie de la vérité. Oui. C'est ça qui a touché et qui a fait son chemin au travers de ça. Là. C'est cette partie de vérité-là que Dieu a utilisé. Oui, je crois que Dieu a pris ces éléments-là dans mon cheminement. Je n'ai pas réagi parce que il m'a présenté une bouée de sauvetage. C'est tout ce qu'on m'a présenté, une bouée de sauvetage pour éviter le jugement de Dieu. Il dit, François, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, ensuite ça vient le jugement de Dieu. Oh, ça vous a peur. C'est vrai. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est pas seulement ça qui aurait dû me faire une décision. Parce que là, je voulais juste éviter un jugement et non pas servir Dieu. Mais au final, on jase. On peut-tu? Ben oui, t'es bien. OK. Ouais. Au final, n'est-ce pas que Dieu, au travers de ça, la vérité, les quelques paroles de vérité qu'il t'a données, l'esprit a fait son chemin quand même. Puis après ça, toi, tu vas. On connaît maintenant après ça le processus, mais pour chacun de nous, ça a été ça. On s'est tous accrochés plus ou moins à un ensemble, peut-être, puisqu'il y avait plein de parties qui étaient fausses, puis qui nous ont amenés dans des erreurs, dans des faussetés, mais à quelque part, au moins les quelques. Puis je pense, puis sans. Qu'il ne faut pas. Oui. Parce que quand des fois, j'ai l'impression, quand je parle pour moi, OK, toujours, des fois quand je t'écoute, c'est quasiment épeurant parce que là, c'est comme si j'avais peur de ne pas toute la présenter comme il faut. Puis que là, mais à un moment donné, il faut s'enlever aussi, comme on disait, ce fardeau-là, parce que faut pas s'accrocher à ça. Puis c'est correct ce que tu dis, la façon que tu le dis, là. Mais je veux juste remettre pour moi, sinon peut-être pour d'autres qui écoutent, de ne pas s'empêcher non plus en pensant qu'on peut dire des erreurs ou on peut ne pas toutes la porter. Dieu va continuer dans l'esprit, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa divinité, oui, dans son chemin. On va faire son chemin quand même à travers ça. Là. Je suis d'accord. Mais il faut en donner le plus possible, faut pas avoir, correct. Il ne faut pas avoir peur. De ne pas se laisser arrêter, je veux dire, par le fait qu'on ne connaît pas tout. Mais en même temps, je sais que c'est l'Évangile. Si je ne la présente pas, il ne sera pas sûr. Absolument. Donc, ça veut dire que j'essaie de la comprendre le mieux que je peux, avec le plus de données que je peux, et de lui donner tout ce que j'ai. Mais je pense que c'est pour ça qu'on est là, pour ceux aussi qui écoutent les audios, puis qu'on est là, puis qu'on apprend. Mais je veux dire, en pratique, il faut. faut pas se laisser arrêter justement pour ça. Puis faut toujours garder confiance que l'esprit puis tout ça va nous diriger. Puis va diriger les gens qui vont écouter. Hein, mais probablement, mais quelques-uns d'entre vous qui m'en ont pas parlé aussi, on présente plus l'Évangile comme on l'a présenté. Ah, clairement. C'est ce que je veux dire. Oui, donc, absolument. Plus moi je la comprends, quand je vais la présenter, c'est ce que je vais présenter. Donc, si moi, ma compréhension de l'Évangile s'améliore, puis que je la vis, bien, je vais la présenter autrement. Ça n'a pas besoin d'être un effort, c'est ce que je vis. Ça fait partie de qui je suis. Si je comprends que je suis un esclave de Dieu, mettons comme ça, on parle de ça aujourd'hui, mais quand je vais présenter l'Évangile, je vais aller dans cette direction-là, parce que c'est ça que je vis, c'est ce que je suis. Donc, ce matin, mon beau-frère a dit, « François, il dit, tu ne fais plus d'enseignement sur Facebook? » J'ai dit, « Non. » Il dit, « Ouais, il dit, j'ai écouté ça dans un temps. » Il dit, « Tu es souvent d'accord. » J'ai dit, « J'ai trouvé personnellement que j'étais un meilleur enseignant en face-à-face qu'avec des vidéos. Les vidéos, pour moi, c'est un surplus. Mais j'ai dit, je crois que je suis plus effectif quand je parle avec des gens en visu. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire ça, pour faire autre chose. D'être plus en visu. Parce que je crois que j'ai plus d'impact. Puis je crois aussi que présenter l'Évangile ou les Écritures dans mon petit bureau, il y a une forme d'autoprotection, une forme de... Pas caché, mais il n'y a pas autant d'effet sur moi non plus. Parce qu'il n'y a personne qui répond, personne qui me fait. Il manque de relation. Non. Mais quand tu le fais devant les gens, tu t'exposes. OK? Tu t'exposes. Et quand je prêche, j'enseignais sur les vidéos, il n'y a jamais personne qui m'a rejeté. Quand personne, il y en a qui m'ont rejeté. Aussi, il y a une différence entre les deux. Là, tu es en visu, en parole, tu parles avec les gens, ils te voient, tu les vois, et c'est pas la même chose. Mais il doit y avoir aussi une en tout cas, ça doit aider aussi quand même une relation. Quand tu as quelqu'un qui te challenge, ou même les conversations comme ça, ça t'apporte aussi à réfléchir, j'imagine. Ouh. Ça l'aide longtemps à réfléchir. C'est plus profitable. Mais c'est ça pour tout le monde. Pour tout le monde de le faire comme ça. Donc, c'est ça que je partageais ça avec lui ce matin. Donc, il dit, vous attendez le Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, c'est ce qu'on racontait. Paul dit, on raconte à notre sujet l'accès que nous avons eu auprès de vous et comment vous avez réagi. L'accès que lui a eu, c'est de pouvoir présenter l'Évangile dans la synagogue. Et il dit, puis on raconte comment vous avez réagi à ça. Vous avez réagi en vous convertissant en Dieu, en abandonnant les idoles, pour attendre le retour du Seigneur. Et une des raisons, je crois que le retour du Seigneur va revenir à plusieurs reprises, à tous les chapitres, dans toutes les deux épîtres, c'est qu'il y avait une difficulté dans l'Église à cause du retour du Seigneur. Donc, il va la ramener, ce sujet-là, souvent, pour que les chrétiens comprennent. Le Seigneur, quand il va revenir, c'est pas pour venir vous enlever, comme on pourrait dire, nous autres, des fois, nous enlever d'un enlèvement, c'est pour nous soustraire à la colère qui s'en vient dans le monde. Oui, il y a une différence entre les deux. C'est pas, il vient te chercher pour t'emmener dans le ciel, puis là, c'est moi qui ai le sujet, c'est moi qui ai la raison d'être, qui vient. Il vient pour qui? Il vient pour moi, il vient pour l'Église me chercher. Non, il vient pour détruire le monde. Mais avant de détruire le monde, il va m'enlever. Oui, il va m'enlever. Mais il vient pour détruire le monde. Donc, pour moi, c'est une autre connotation que de dire, ah, j'ai assez hâte que Dieu vienne me chercher, j'ai assez hâte de venir me chercher. Tu y penses-tu qu'il va tuer ta femme, là, qui n'est pas chrétienne? Tu penses-tu que tes enfants vont tous mourir à cause de ça, qu'ils ne sont pas chrétiens? Là? Tu y penses-tu? Non, nous, t'as pas dû penser. Ils vont peut-être venir me chercher, m'amène au ciel. C'est comme ça qu'on pense en général, parce qu'on n'a pas cette pensée-là dans notre tête. cette intention-là, cette pensée-là, cette... Puis le fait de... Ce matin, avec les miens, dans ma famille, les sujets de discussion, c'est des gens qui vivent pour les ci-bas. C'est des sujets de discussion comme ça qu'il y en a. Personne qui parle de l'avenir, personne qui parle du ciel, de la mort, non. On est ici, ça parle de quoi? Ça parle d'argent, ça parle de politique, ça parle de ci, ça parle de ça, parce que c'est leur vie, c'est leur sujet à eux autres, c'est leur petit monde à eux autres. Oh, on va en laisser plus à nos enfants, papapapla, papapapla. Mais hey, je dis, vas-tu en avoir du temps pour les enfants? Si le Seigneur Jésus revient, qui détruit le monde, tes enfants ne joueront pas de ton argent. Ils n'en joueront pas de ton argent. Je ne dis pas de ne pas laisser toi tes enfants, mais c'est peut-être plus que juste de l'argent de laisser. Il y aura peut-être plus que ça. Donc, ramener la réalité, c'est une autre affaire. Donc, il dit, pourquoi je pense que vous êtes des élus? Un, vous avez entendu l'Évangile, la vraie Évangile. C'est pour ça que je vous ai encouragé depuis quelques années à vérifier si l'Évangile que vous croyez est la vraie. Parce que c'est un quelque chose. Vous vous souvenez des premières fois que je vous posais comme question? C'est quoi le minimum que je dois savoir pour être sauvé? C'est quoi le minimum, dans le fond? Quand, tu sais que je dis des fois, quand est-ce que j'ai été sauvé? Non, c'est fallait-tu que je croie à la résurrection? Ah, c'est quand est-ce que j'ai cru à la résurrection? Ah, moi, c'est plus loin que ça dans ma vie. Fallait-tu que je croie qu'il était la Trinité? C'est quand est-ce que j'ai cru à la Trinité? Non? C'est quoi que je croie pour être sauvé? Non? C'est dans le fond, est-ce que. Parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas entendu parler de la Trinité quand on nous a évangélisés, on ne nous a pas parlé de ça du tout, on ne nous a pas parlé de la résurrection, on ne nous a pas parlé de César. On ne nous a pas parlé de ça, là, en général, en tout cas, c'est pas pour moi, pour vous autres, mais pour moi, Denis, il ne m'a pas parlé de ça. Là. Donc j'ai dit, pouvais-tu être sauvé juste en croyant que Dieu existe? Non. Ben, absolument, on dit non. Ben, si c'est ça, ben, on devrait juste dire ça. Je crois que Jésus, Dieu existe, mais créé sur la terre, tu vas te sauver. Mais il faut aller plus loin que ça, on n'a pas le choix. Donc, je peux commencer avec ça. Oui, je peux commencer avec ça. Mais il va falloir que je rajoute. C'est pour ça que je vous avais dit que Calvin, avant de dire à quelqu'un t'as sauvé, il prenait un an avec eux autres tous les matins. Il enseignait pendant un an tous les matins les nouveaux sauvés, afin de dire au bout de l'année, OK, vous en savez assez pour prendre une décision. Voulez-vous suivre le Seigneur Jésus-Christ ou pas? C'était pas, j'ai entendu 40 minutes de prédication, j'avance en avant. Il y avait plus que ça. Je veux pas mettre ça dramatique, mais je veux pas non plus le diminuer. Puis de dire que les gens sont sauvés avec à peu près rien. Il y a un contenu de base, du moins qu'il faut leur dire. Puis nous, je sais pas si vous avez fait ça, moi, j'ai fait, là, tu sais, moi, des fois, je rentrais là, chez quelqu'un, faisais du porte-à-porte, puis il était intéressé, je parlais, là, je parlais de l'Évangile. J'aurais donc voulu qu'il fasse la décision là, tout de suite, à soi. La prière, de la si tu marches cette nuit, tu vas aller où? Puis là, j'aurais donc voulu qu'il fasse profession de foi là, avec le petit peu que j'avais donné dans l'heure, qu'il avait dit que j'avais donné. J'étais pas sage. J'aurais dû me parler moins de sujet, un petit bout, dire, crois-tu que Dieu existe, pourquoi tu es créé, puis, faire des petites étapes avec lui tranquillement, puis l'emmener vers, puis dire, hey, si tu as un élu, parce que là, on connaît le langage, nous, il ne sera pas en retard, on va y aller le tranquillement, on va leur donner l'Évangile, mais on ne leur demande pas de faire une profession de foi, puis de se dépêcher, puis d'avoir assis, on ne leur fait pas peur, on les annonce la vérité, puis tranquillement, et puis plus loin, quand on pense qu'ils en ont compris assez, leur dire, veux-tu te faire baptiser au nom de Seigneur Jésus-Christ? Je pensais justement tantôt à ça, à poser la question, mais là, je me disais, bon, valeur, on se voit faire ça. Nous autres, là, c'est peut-être pas le temps, mais justement, c'est quoi les premières questions? Juste pour ouvrir la conversation. Crois-tu en Dieu? Est-ce que tu penses qu'on va aller après? Puis tu laisses aller? Moi je vais voir la conversation. D'habitude, c'est ça. À matin, c'était ça, là. On parlait, puis d'un coup, mon beau-frère me parle, ben, tu fais plus des enseignements sur Facebook. Là, c'est ça que j'ai embarqué. Okay. Mais tu parles à quelqu'un comme des amis qui sont pas du tout, là, comme lui, il savait ton frère, il t'en pose une question, nanana, là, mais dans les premières questions, là, quand tu as un sujet, le sujet fou, là, exemple, l'autre jour, j'étais avec mon boss, puis je disais, ah, mes études bibliques, le dimanche, sa femme a dit, ah, tu fais des études, là, voilà. Là, a posé quelques questions, en fait, là, on a un peu parlé autour de ça, mais, tu sais, c'est quoi les premières questions qu'on peut... juste justement pour approcher, est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu? Toi, ouais, c'est est-ce ça. Que tu crois qu'il y a un Dieu? Là, je m'en vais là maintenant. Autour de ça, si je vois qu'il y a une réceptivité ou un désir de parler, là, ouais, c'est je ne vais pas faire ça en général. S'il ne veut pas rien savoir, s'il me donne rien savoir, moi je crois que on peut aller avec d'autres choses, tu sais. On peut dire d'autres choses. Pourquoi tu ne crois pas? Si tu ne crois pas, si tu ne crois pas en Dieu, ça me tente. Tu vois comment, mais tu crois en quoi? Oui, ça tu peux faire. Si tu ne crois pas en Dieu, mais tu crois en quoi? Tu vas voir, mais là tu tournes autour de la pièce maîtresse. Ouais. Si Dieu n'existe pas, Jésus n'a pas besoin d'être là. C'est pas besoin de ça, c'est pas besoin de ça. Bien maintenant, les Québécois, généralement, vont dire que oui, ils croient en Dieu. Mais ils ne sont pas pratiquants. Mais ils ne croient pas au vrai Dieu. Il croit à une espèce de Dieu, comme mon garçon m'a dit, là, une espèce de créateur. Oui, mais là, on parle de gens 40 ans et plus. Là. Moi, je commence à voir, là, des fois, dans des gens de 30 ans et qui en ont, qui ne savent rien. Là. Marie, Jésus, on voit ça de plus en plus là, dans les plus jeunes là, qui n'ont aucune connaissance. Je crois que c'est de prier, je crois, de demander à Dieu la sagesse, mais avec les gens qu'on côtoie assez régulièrement, dans la famille ou dans les parentés ou au travail, il y a toujours des occasions qui se lèvent pour qu'on puisse parler. Il y a toujours des occasions. C'est comme des fois on est gêné, des fois on en parle. Ouais. Mais il y a toujours. Parce qu'est-ce qu'on parle? On parle de politique, on parle d'argent, on parle de guerre, c'est ainsi, on parle de maladies quand on a vécu les deux dernières années. On peut prendre ces occasions-là pour leur dire. Mais c'est parce qu'on a un peu peur. Si tu dis. Ouais, il y a le COVID, mais d'où ça vient la maladie sur les êtres humains? D'où ça vient cette maladie-là? On a-tu été créé malade? On vient-tu malade au monde? D'où ça vient la maladie? On n'ose pas y aller dans cette direction parce qu'on a peur de la réaction des gens. Mais je ne vous dis pas de le faire comme je le ferais, c'est de trouver quelque chose qui s'adapte à vous. Mais je crois que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'occasion. On veut juste dire que des fois on a peur de prendre des occasions. Parce qu'il y a des occasions, il y en a toujours. Toujours. Puis je crois aussi que, puis là, vraiment, je me parle, là, c'est ça de poser des questions. Souvent, on parle pour parler. Moi, je parle pour parler, mais si je ne pose pas la question, en posant plus de questions, j'ai remarqué que si je pose plus de questions, mais là, ça va apporter des discussions ou je vais avoir quelque chose, parce que là, je vais pouvoir apporter quelque chose. Si j'apporte quelque chose et que la personne n'a rien demandé, c'est vraiment d'arriver à apprendre à poser des questions. C'est sûr qu'il y a multiples façons de le faire, dépendamment de qui on est, et dépendamment aussi de la personne qui est devant vous. Il y a des personnes, si tu leur poses des questions, ils gèlent de te répondre. Mais ils vont t'écouter si tu parles. Donc, parle. Donc, il faut que tu choisisses et qui. Moi, des fois, je vais lancer des petites bribes, puis là, je vois. Parce que là, puis, c'est arrivé de te passer au camping, justement, que là, tu ah, ouais, mais tu vois, là ça, on était quatre filles autour du feu, puis là, ça l'a suscité plein de questions. Tu sais, puis on est resté là quand même quelques heures à en discuter, mais c'est ça, c'est en poussant une perche, plein ah, ouais, c'est quoi, c'est pas fou. J'ai connu une femme qui était à Vancouver, elle faisait de la rue. Elle évangélisait ça. C'était sa personnalité, elle l'avait. Elle accostait quelqu'un. Mais tu as déjà pensé si tu mourrais ou tu en irais, toi? C'est comme ça qu'elle mangeait. Il y avait du monde dans l'église qui avait été sauvé par cette femme-là. Hein? Sauvée par elle. Mais elle, c'est comme ça qu'elle se sentait bien, qu'elle se sentait à l'aise. Elle fonctionnait de même. C'est pas plus spirituel qu'un autre qui va y aller en faisant des services sociaux. Là. Chacun a sa façon de faire les choses. Et je crois que l'intention qu'on a, le désir qu'on a de le faire, va trouver son chemin en s'en allant et dans ce sens-là. Bon, Gaëtan. Merci encore une fois, François. Georges Paltan. J'aimerais lire un passage, quelques versets dans 1 Pierre 2, ce qu'il aimerait lire, c'est 1 Pierre 2, à partir du verset 22. Ça dit, « Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de faute, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menace, mais ça remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. » Dans ce court passage, on peut voir que le mot « lui » revient à quelques reprises. Et le « lui » donc, il est question ici, c'est celui en qui nous avons cru, c'est celui en qui nous croyons. Et c'est celui qui, par sa mort à la croix, qui a décidé d'aller à la croix. Il a apaisé la colère de Dieu. Et c'est celui aussi qui a pourvu pour nous un moyen qu'on se rappelle tout ce qu'il a fait à la croix et comment il l'a fait. On a besoin de se rappeler les souffrances qu'il a vécues à la croix. On se rappelle ça pour que ça garde nos pensées et nos cœurs attachés à lui. À la croix, il dit tout est accompli. Et j'aurais eu envie de parler un peu de ça, mais je n'ai pas assez de connaissances, j'avais trop peur de me donner hors contexte. Je t'en parlais. Puis Paul a dit, chaque fois que vous prenez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça, pour nous, frères et sœurs, c'est notre espérance. Nous croyons qu'il va revenir. Et c'est notre espérance. Prenons ce moment. Carole et Roger aimeraient vous passer les animations. Rappelons-nous la dernière nuit qu'il a passée avec ses disciples. Rappelons-nous quand il a pris le pain, qu'il l'a rompu, qu'il l'a déchiré. Et c'est comme s'il est en train de dire à ses disciples, voici de quelle façon mon corps va être pris. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ce pain. Ensuite, il prit la coupe, la partagea aussi avec ses disciples en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Seigneur, comme tu es grand. Seigneur, tu ne cesses de nous parler. Et tu as plein de façons de nous parler. Et merci, Seigneur, que parce que nous sommes tes enfants. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli à la croix. Merci parce que tu as établi le royaume de ton Père. Tu as fait de nous les adorateurs et les serviteurs. Gloire te soit. Juste quelques-uns. La majorité, c'était des Grecs et des femmes de dignité qui avaient.